Salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space qui attaque immédiatement. Nous allons donc commencer pour ces 3 heures de punk, de rock dans un premier temps, puis de musique plus expérimentale par la suite avec des chouchous de la scène oi française. J'ai nommé les Brigadas Flores Magón qui vont vous parler d'Action Directe. Le tout pendant un certain temps entrecoupé d'extraits d'un magnifique polar italien écrit par Francesco De Filippo qui s'appelle L'Offense et qui vous parle de la mafia napolitaine. Allez, c'est parti, rock'n'roll et mafia, quel beau programme. Moi, au contraire, je suis toute la journée à disposition. Le matin, je me réveille tôt parce que j'aime pas que ma femme Pamela, elle ait déjà nettoyé la maison et mené les minots à l'école et que moi, je sois encore au lit. Alors, après qu'elle m'a porté le café, ça oui, dinto lieto dans le lit, je me lève, je vérifie que mon portable est chargé et marche, qu'il n'est pas arrivé des messages et je me lave bien bien. Si pendant que je bois au café, Pamela n'a pas ouvert la fenêtre et qu'elle a encore la chemise de nuit et vient balayer d'abord près de la table de nuit et se plier en avant puis en arrière, alors ça veut dire qu'elle veut faire l'amour. C'est bon, le matin, je la prends par les hanches, je me l'emmène au lit ou sur une chaise et je me fais une belle chiamergia. Elle se dégage, se tord, mais c'est pour faire semblant. Ça lui plaît que je la prenne comme ça, je la vins et je l'oblige, je prends le dessus et je me fais faire tout ce que je veux. Parce qu'elle, elle aime tout, suffit que je l'oblige. Yeah. Bref, Chamerja ou pas Chamerja, je m'habille et me prépare. Je sors le scooter que je gare près du lit. Je salue Totore au contrebandier, le dernier dans toute la ville qui vend encore et pas le mal verte, va savoir où il les fabrique et je me fais un premier tour du quartier. Totore est toujours là, matin et soir, le visage collé à la vitre qu'on dirait un berger de la crèche, immobile. Tu sors et tu le trouves là. Tu reviens et il est toujours là. Tu te mets à la fenêtre et tu le vois qui te regarde. Que tu te dis, mais putain, celui-là, il dort pas, il pisse pas. Il fait même pas la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange pas? Sa vie est derrière cette vitre, à voir qu'est-ce qui se passe dedans la ruelle 24 mai. Il est devenu comme ça depuis qu'il a eu l'accident avec le bateau à moteur. Depuis, il peut plus conduire. Il doit rester chez lui sans bouger. Qu'est-ce que tu peux lui faire faire à un type que l'hélice, elle lui a tranché les deux jambes? It's on the rise. Yeah, it's on the rise. Donne Mimi l'espérance, le garde quand même. Il l'a fait soigner à ses frais et lui a dit « Guaglio, mon gars, tu peux plus bouger, reste derrière la fenêtre et si tu vois quelque chose de bizarre, tu m'avertis. Bref, tu me fais la sentinelle, t'as compris ?» Saturday night. Now come on, all together. After me now. Well, it's Saturday night. And it's got paid. Et Totoré avait fait ça, il s'était mis derrière la fenêtre et il avait fait la vigie. Lui, il lui a sauvé la vie à son fils, à Don Mimi. Il avait sauvé la vie à Cicino Maserati, on l'appelait comme ça parce qu'il courait toujours, le soir où trois de la bande de Pianura l'attendaient dedans une entrée. Totoré les avait vus et il avait appelé, mais Don Mimi n'était pas là, et il n'avait pas non plus trouvé Stefano, son garde du corps. Alors Totoré avait attendu et quand il entendit la moto de Maserati, il sortit le pistolet et tira deux coups en l'air. Personne ne savait que Totoré au contrebandier avait le pistolet. En tout cas, Cicillo comprit et fit marche arrière. Mais les trois de Pianura aussi comprirent et ils tirèrent contre le basso de Totoré. Ils ne le touchèrent pas, mais qui sait ce qu'il lui aurait fait s'il n'était intervenu des fils de Tina, qui se trouvait dans le billard d'à côté et qui arrivait en courant avec 4 ou 5 types de la salle de jeu. Les trois de Pianura eurent le temps de s'enfuir parce que le quartier était en train de se fermer et s'ils restaient dedans, ça chauffait pour eux. D'abord, ils les faisaient parler et ensuite, ils les mangeaient en petits morceaux. Go. I'll get along well without you. my arms. I gotta get someone else. C'était une autre époque, Don Mimi l'Espérance lui augmenta la mensualité et chaque semaine il lui envoyait chez lui Fiorella, la putain la plus belle qu'il avait, et elle restait toute la nuit dedans le basso, elle s'en allait au matin et totorait au contrebandier, mon cul que tu le voyais à la fenêtre le lendemain. Celle-là, elle le suçait à fond qu'elle lui laissait pas une étincelle de force. Le lendemain seulement, on le revoyait avec une sombre tronche d'enterrement toute défaite et des cernes bleuâtres. Mais il était heureux. Tu lui disais bonjour et lui, il levait le menton. Shadow! Et puis, Don Mimi l'Espérance. Les types de la bande de Mater Dei l'ont buté. Fiorella, on l'a plus revue. Si même elle est encore vivante, et Totoré au contrebandier resterait là, derrière la vitre. Maintenant, il doit y avoir plus de 60 ans et ça fait 20 ans qu'il ne te répond plus quand tu lui dis bonjour. Mais gare à toi si au moins tu croises pas son regard, il se met en colère et toutes les fois que tu passes, il te regarde fixement comme un vautour. Sûr qu'il te balance aussi quelques blasphèmes. We'll be right back. En tout cas, même si je passe 100 fois par jour, à chaque coup je le regarde et de temps en temps je lui fais même un signe. We'll be right back. Bref, le matin, je prends ce putain de scooter et la première chose que je fais, je passe chez Paolino sans vergogne. Je ralentis et je klaxonne quand j'arrive devant. Si personne met la tête à la fenêtre et crie, alors je continue et je m'en vais à mes affaires. C'est comme si je pointais. We'll be right back. va le lui expliquer à Pépino Sansu. Moi, je suis toujours dedans au quartier, même si je vais dehors, la veille, ou mieux encore 2 jours avant. Je passe devant chez Paolino bien 5 ou 6 fois, jusqu'à ce que Tonino se mette à la fenêtre, avec sa grosse tronche de garde du corps et le regard très mauvais. Et lui aussi, il parle pas. Il lève le menton d'un air interrogatif, comme pour dire « C'est beau, qu'est-ce que tu veux ?» Et il regarde autour de lui d'un air soupçonneux. Moi, je m'approche et à mi-voix, je lui dis « Demain, je suis pas là. Ou bien, je sais pas, je pars une semaine. » Et lui, selon ce que je lui ai dit, il me balance « Et va te faire foutre » ou « Garde le portable allumé. » Et il rentre sa tronche. Yeah. Pépino sensu, Bark. Moi, la journée, je me la gagne à la sueur de mon front. Pas comme lui, qu'une fois sur deux, il doit partir en courant quand il y a quelqu'un qui revient pour le dérouiller parce qu'il l'a arnaqué. Qu'il lui démonte la tronche, on s'en branle. We'll be right back. Vous êtes toujours bien calé sur le 100 FM. On vient d'avoir sur le 100 FM Lost in Space Radioactive. Il faut le dire, il faut le répéter. Faites la même chose. Nous venons d'écouter un instant dans Lost in Space Prince Buster All Stars, un peu de ska au milieu de quelques musiques oi. On continue après le polar mafieux napolitain de Francesco De Filippo. On continue en poésie avec la boxe et la poésie moderne d'Arthur Cravant du début du 20e siècle et avec plein d'extraits, mais avant encore un tout petit peu de musique oi pour continuer sur Prince Buster. Là ça va être Nox qui a chanté Wear Your Boots. C'est aussi dans sa maison que, après avoir vu Wilde apporter dans les divers milieux dont il était le roi, ce qui le fit accuser de vanité, comme si toute grandeur n'avait pas son abîme, cette étrange irradiation de vie qui faisait se retourner les visages et faiblir les conversations, que, après ses jours brillants, on eût pu le voir dans ses jours de dépression, de réaction. Ses jours de spleen, où il était, suivant l'expression anglaise, « ineffably bored », comme troué. Le charme de sa nature, dans ces moments ingrats où l'on paye, n'est-ce pas Wilde, qui a dit que le malheur dans la vie, c'est qu'il fallait toujours payer, l'empêchait d'avoir de l'humeur, il se montrait doux comme blessé. Il avait besoin des soins et des caresses féminines, il était un enfant gâté qui sourit un peu triste. du reste dès 1890 comme tant de grands nerveux. Redoutant ces trous de néant psychique, il se soutint avec des stimulants. Il en vint même en cette année à subir une crise, très probablement de délirium tremens. Du reste de ces moments de silence et de retraite, Wade sortait bientôt. Tout en lui s'était tu et tout se ranimait comme en un réveil où l'on croyait assister à la naissance de sa force, où son autonomie reprenait son action. Un timide eût senti dans cet éveil, ce retour, sourdre une méchanceté de grand fauve, une force dénuée des atermoiements du scrupule, une volonté qu'on n'arrêterait pas. La personnalité atteinte renaissait dans son égoïsme, son orgueil, comme impérieuse. C'était là un Wade comme avant la toilette, si l'on peut dire. Une grande prestance, de grands gestes, une large voix rentrait en scène. Et tout à l'heure, quand cette force sera bien assurée d'elle-même, il y ajoutera le charme dans sa vibration la plus intense. Il sera irrésistible de séduction. Work life might not be trying to do the

et bien que tombant à moitié, si j'entendais sur la terre retentir les locomotives, que mes âmes pourtant redeviendraient attentives. Sick. C'était la nuit du 23 mars 1913. Et si je vais donner des détails minutieux sur l'état d'âme que j'avais en cette soirée de fin d'hiver, c'est que ce furent les heures les plus mémorables de ma vie. Je veux aussi montrer les étrangetés de mon caractère, foyer de mes inconséquences, ma détestable nature, que je ne changerai pourtant contre aucune autre, bien qu'elle m'ait toujours défendu d'avoir une ligne de conduite. Parce qu'elle me fait tantôt honnête, tantôt fourbe et vaniteux et modeste, grossier ou distingué. Je veux vous les faire deviner afin que vous ne me détestiez point, comme tout à l'heure, vous seriez peut-être tenté de le faire en me lisant. We'll be right back. C'était la nuit du 23 mars 1913. Sans doute ne sommes-nous pas physiquement semblables. Mes jambes doivent être beaucoup plus longues que les vôtres et ma tête au perché est par là heureusement balancée. Notre tour de poitrine diffère aussi, ce qui, probablement, vous empêchera de pleurer et rire avec moi. C'était la nuit du 23 mars 1913. Il pleuvait. 10 heures avaient déjà sonné. J'étais couché tout habillé sur mon lit et je n'avais pas pris soin d'allumer la lampe. Car ce soir-là, je m'étais senti lâche devant un si grand effort. Je m'ennuyais affreusement. Je me disais « À Paris, que je te porte de haine. Que fais-tu dans cette ville ? Ah, c'est du propre. Sans doute penses-tu y réussir ? Mais s'il faut 20 ans pour le faire, mon pauvre, et si tu atteins la gloire, tu seras alors laid comme un homme. Je ne comprendrai jamais comment Victor Hugo a pu, 40 ans durant, faire son métier. Toute la littérature, c'est tata, tata, tata, tata. L'art, l'art, ce que je m'en fiche de l'art. Merde, nom de Dieu, je deviens terriblement grossier à ces moments-là. Et pourtant, je sens que je ne dépasse aucune limite, puisque j'étouffe encore. Malgré tout, j'aspire au succès car je sens que je saurai drôlement m'en servir et je trouverai amusant d'être célèbre. Mais comment ferai-je pour me prendre au sérieux ? Dire que, tant que nous sommes, nous ne rions pas sans discontinuer. Mais, nouvel embarras, je désire aussi la vie merveilleuse du raté. Et comme la tristesse en moi se mêle toujours à la plaisanterie, c'était des « oh là là » suivi de aussitôt de « tralala ». Je pensais encore, je mange mon capital, ça va être gai. Et puis, devinez ce que sera ma peine quand, vers la quarantaine, à tous les points de vue, je me verrai ruiné. Ohé ! Ajoutai-je immédiatement en matière de conclusion à ces petits vers, car il fallait que je riasse encore. Cherchant une diversion, je voulus rimer, mais l'inspiration qui se plaît à agacer la volonté par mille détours me fit complètement défaut. À force de me creuser la tête, je trouvais ce quatrain d'une ironie connue qui me dégoûta bien vite. J'étais couché sur mes draps, comme un lion sur le sable, et pour effet admirable, je laissais pendre mon bras. Vous êtes toujours bien calé sur le 100 FM Radioactive avec Lost in Space. On vient d'avoir les Real Mackenzies à l'instant. C'est l'heure du live maintenant dans votre émission du dimanche soir. Le live, ça va être les Half Gentlemen qui sont, on va dire, une émanation des Half Japanese, groupe de No Wave de la toute fin des années 70 à New York, plutôt expérimental, artistique et légèrement bruitiste, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ici, ils sont enregistrés à Washington DC, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur zone de confort de Manhattan pour aller à Washington. Alors, de mémoire, il me semble que c'est 79 la date de l'album, mais c'est pas garanti sur facture. Donc, les Half Gentlemen, et on se retrouve juste après. Miss me, baby. Thank you. Whenever we go out, there's a happy people shout.